cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Salut tout le monde. Et comme d'hab, petit matin là sur Énergie, c'est Cédric. C'est plaisir de retrouver Énergie 4h. Avec Open Mic pour attaquer la journée, on se fait le meilleur de Mickaël, le Rico Show, Koé et le meilleur de Manu dans 6 Snap sur Énergie. Vous êtes les bienvenus. Avec nous sur Énergie, bah forcément vos stars Énergie préférées à écouter ce matin dans la playlist Énergie. On y va tous ensemble et puis aussi le meilleur de Mickaël. 23h tous les soirs en direct pour vous sur Énergie et maintenant best of. Seb. Ouais. Ça va? Ouais, très bien et vous? Bah très bien, ouais. Bon, on va faire le jeu de la confidence. Tu vas affronter qui? Toff, Polo ou Amina? Ou moi? Ouais, Polo. Allez, hop là, bah très bien, on va finir là-dessus, ça va être cool. 4 victoires pour Polo, donc Seb, on y va. C'est toi qui commences ou c'est lui qui commence? Je vais laisser commencer. Très bien, le but, avoir une confidence, une vraie confidence, hein. Vous posez une question, faut pas juste que le mec réponde oui ou non, faut retraire un minimum dans le détail quand même. Bon, évidemment, vous pouvez poser les questions que vous voulez, vous pouvez faire comme vous voulez pour avoir une confidence. Polo, on y va, c'est parti. Ouais. Allô? Alors oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, j'appelle de France et je voulais avoir un avis de gens cultivés et intéressants, parce qu'en France je ne trouve pas. Et est-ce que ça vous arrive, parce que je vais souvent à la piscine et j'ai une allergie. Ah, il a déjà raccroché. Espèce de connasse. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il est grossier. J'espère bon. Que le Canada va... Non, oh non, allez, stop. Seb, bon bah du coup, ouais. À ton tour, hein, Polo a échoué, à toi de voir. On y va. Hello. Oui, allô, bonjour, je vous appelle parce que voilà, j'avais une petite confidence à faire. Quand je vois quelqu'un qui me plaît, j'ai les mains un petit peu moites et je vais savoir si c'est un peu pareil pour vous. Je comprends pas, là. Je veux juste savoir, en fait, parce que j'essaie d'en parler avec des gens qui comprennent pas trop, qui voient pas trop. Et je voulais savoir si de l'autre côté, vous avez déjà eu ce genre de choses, tout simplement, être pas très à l'aise, tout simplement, devant une personne. Je ne suis pas intéressé là. Non, j'ai pas parlé de ça. J'ai parlé de savoir si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui vous plaît ou autre, ou quelqu'un qui vous intimide un peu, savoir si vous, de votre côté, vous je sais pas, on se sent un petit peu mal à l'aise, un petit peu mal en face de la personne, parce que moi j'ai souci. Et je veux savoir si de votre côté c'était pareil. Un truc non, parce que je comprends pas assez là. Comment ça? Parce que je comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Ah, ce que je suis en train de dire, je suis en train de vous dire, savoir si vous êtes en face de quelqu'un qui est un petit peu impudent, quelqu'un qui vous plaît, tout simplement savoir si vous sentez un petit peu mal, genre les mains moites, ou avoir un peu peur, je sais pas. Parce que moi, j'ai ce genre de choses des fois et je vais savoir si ça arrive avec moi ou aux autres, tout simplement. Mais c'est pas, je comprends pas quand même, vous pouvez aller très vite. Puis... Ah, excusez-moi, je voulais savoir, j'ai pas arrêté de temps. Ouais, bah, t'as raccroché la gueule, Seb. Cherche plus loin, là. Elle comprend pas, elle comprend pas, ouais, hein, si tu veux que je te dise. Bon, bah, c'est ce qu'on appelle raté. C'est dommage. Match nul. Match nul, exactement, ouais. Bon, bah, c'est pas grave, hein, Seb. Hein. Bien tenté quand même. Hein. Ouais, bah, c'est la vie, tant pis. Bah, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Ça arrive même au meilleur, c'est pas grave. Bon, bah, salut à toi, Seb. Bah, ça marche. Et puis, bonne nuit à vous, l'équipe. Hein. Et bah pareil. Salut, salut, Seb. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever. Sur cette lune, les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh, ni d'éternel. D'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire. De la hauteur, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil, c'est Cédric, j'espère que ça va être une belle journée, on est vendredi, on écoute The Prince Karma dans la playlist Énergie, il y aura aussi DJ Snake et Cardi B, ça c'est dans moins de 3 minutes, c'est juste après le meilleur du Rico Show avec avant-hier le gros dos sur Énergie, écoutez. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. C'est l'heure du dépouille, ça dépouille, ça dépouille sec, les amis ont parlé d'amitié, ouais. On parlait de Sarah, on parlait de Sylvain et de JM, il faut savoir que moi... J'ai répondu pour tout le monde puisque c'est de 0 à 5, ouais. Ils ont dû noter leur amitié. 0 c'est je ne connais pas cette personne, 1 c'est une connaissance, 2 c'est relation collègue de bureau. Je pense qu'on peut éliminer déjà je connais pas cette personne et connaissance. Oui. Ouais, d'accord, dans l'équipe, c'est bon. J'espère. Donc on a 2, 3, 4 et 5. Jamais, attends. D'accord, vous notez de 1 à 5 votre amitié. Moi j'ai mis 5 pour tout le monde. Oh. Je suis ravi de voir que vous avez tous mis 5 pour tout le monde. JM, Sarah, Sylvain. Pour toi, on a tous mis 5. Bah oui, moi je m'embarque pas dans une aventure sur l'énergie avec vous tous pour kiffer avec tous les auditeurs si on n'est pas une famille tous ensemble. Bien sûr. Parce que on a quand même cette chance, c'est de voilà, j'ai un peu la chance de choisir aussi les gens avec qui on est. Et voilà, je m'embarquerai pas si je vous aimais pas tous très fort. Oh. D'accord. Ouais. Donc ça, pour moi, il y a aucun souci. Ouais, c'est réciproque. Hein. Ouais, oui, je vois que c'est réciproque, ça me fait plaisir. Ah. Par contre, mais Sarah. Oui. A jugé son amitié avec Sylvain de 4 sur 5, c'est-à-dire. Très bonne amie. Très bonne amie. Ouais. Sylvain a jugé son amitié avec Sarah. Très bonne amie. Oh, c'est pas. Oh, mais t'es trop chou. Jure sur ta vie. Bah, sur ma vie, c'est un peu dur. Mais tu me vois comme une très bonne amie, genre on peut partager des trucs et tout. Mais apparemment, c'est la même amitié que t'as pour. Mais moi, vraiment, j'étais à deux doigts de le mettre en frère. Ah ouais? Je te jure. Bah pourquoi tu l'as pas fait alors? Bah je sais pas parce que. Non, je veux pas d'un frère comme toi dans ma mif. Mais merci Sylvain, ça me touche beaucoup. Bah non, mais c'est vrai. C'est une bonne nouvelle, ça. Je suis très contente, je suis pas déçue, Rico. Hein. T'es pas déçue? Ah non. Ah! Bah pourquoi est-ce qu'il y a? Pourquoi il dit plus là? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Les amis. Quoi? Passons à JM. Ah. JM, je vais te dire, toi, l'amitié que tu ressens pour Sylvain et Sarah, il est identique pour les deux. T'as la même forme d'amitié. Alors la bonne nouvelle, c'est que eux aussi, l'amitié qu'ils ont pour toi, il est identique. Ah bah tu vois, ça fait plaisir. C'était quoi la chose? Ça va te revenir à 3 km. Alors, est-ce que pour toi, de 0 à 5 Mais c'est bon, tu l'as la réponse. De 0 à 5, quelle amitié tu as pour Sylvain? De 0 à 5. Ça fait un an et demi que je passe mes soirées avec vous. Si je vous aimais pas, vous croyez que je voudrais me faire chier ou quoi? Bien sûr. Mais c'est bon, j'ai vu, vous avez changé de visage et tout. Non, donc pour toi c'est très bonne amie pour Sylvain et très bonne amie pour ça. Ben ouais, c'est ce qu'on a mis, hein, c'est ce qu'on a mis. Bah c'est ce qu'on a mis. Ouais, c'est ça, mais ils perdent leur face. C'est ce qu'on a mis. Bah c'est ce qu'on a mis. JM, moi j'ai mis ami. Sarah, ami pour JM. Et Sylvain, c'est pareil. Il a mis la même chose. Non. On a mis très bon ami. Sylvain, pas vrai, on a mis très bon ami. Les bâtards, je vous explique. Soit ils ont mis 2 relations collègues de bureau. Ouais. Soit ils ont mis 3 amis, soit 4 très bonnes amies, soit 5 famille frère. Oui, bah, c'est très pas la famille. C'est pas la famille. Pourtant, non, voilà, toi JM, tu les considères comme des très bonnes amies. Ouais, bah oui. Ah, oui, ça fait un an et demi qu'on passe nos soirées ensemble. Sylvain, il a dit ah oui, d'accord. Ah, mais ça fait plaisir, on va sur qui on peut compter. Dit que sur moi, tu pourrais toujours compter. J'ai vu. T'es toujours dit. Par contre, Sylvain et Sarah, non, mais ne te considèrent pas comme un très bon ami. Non, mais attends, les Marseillais, ils extrapolent toujours. Ouais, ouais, quand ça t'arrange. Vas-y, enchaîne, il reste 25 minutes, je vais me barrer. On a mis. Attention, au niveau de l'ami, de l'amitié, c'est-à-dire 3 sur 5. Moi, j'ai mis ami. Ouais. Hein. Ils n'ont pas souhaité continuer l'aventure et mettre ami. Vous me dites, si vous voulez que je parte, tu pars. Mais non, pas de souci. Ils ont mis une note, tous les deux, je te le dis, JM. Ils ont mis une note de 2 sur 5, soit relation et collègues de bureau. Arrête de mentir, pourquoi tu mens? Je ne mens pas. J'ai les papiers et vous savez que JM, je ne mentirai jamais. Non, tu mens. Donc, les amis, je vois relation. Alors, est-ce qu'on peut prendre la parole? Et collègues de bureau. Non, mais pas qu'est-ce qui est le pire, c'est un mec qui m'étonne ou c'est 200 couilles? Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to beat. I'm like a Ouija board, but I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for?

Énergie, c'est Cédric. Salut tout le monde. Jusqu'à 10 000 euros à gagner tout à l'heure à 17h30 dans le Cash Cash Énergie. Ça peut être cool, hein. Chez Koé sur Énergie, 10 000 euros à gagner. Vous envoyez Koé maintenant au 7-10-12 pendant qu'on se fait pour vous la playlist Énergie. Juste après le meilleur de Koé, c'est Claudio Capéo et Post Malone sur Énergie. 17h-20h. C'est Koé sur Énergie. Voici le top 10 des cadeaux de Noël les plus pourris, donc évitez de prendre cela. Attention, on est parti. Ouais. Dans le classement, 10e position. 10e, un kit spécial déodorant. Alors, si vous offrez ça, les amis, c'est clair, c'est que Bernard, il pue. 9e position, des chocolats en forme d'anus, vous ne rêvez pas, que vous pouvez mouler sur vous-même, voilà, directement. Quoi ? Après, vous les faites manger à belle-maman, vous dites, c'est bon, hein, ce petit goût. Mais comment vous faites ça, mon petit chocolat, mon beau-fils ? Oh, je ne vous dirai pas. C'est la beau-fils touch. Il y a le papier toilette Donald Trump en 8e position. Oh, c'est bien, ça. 7e, une peluche emoji caca. Vous l'avez déjà vu ou pas ? Oui. C'est l'emoji caca, mais en peluche. Rêvez pas, j'ai failli l'acheter. Je l'ai. Moi aussi, pour mon fils. Je l'ai offert à ma nièce. Eh ben voilà, tu fais partie des cadeaux de merde. 6e, la clé USB chien en chaleur. C'est un chien qui se tient debout. La clé USB, c'est son zizi. Et clac, vous le mettez dans l'écran d'ordi. Il bouge un peu. Et le chien, il bouge un peu pendant que ça charge des données. 5e, une peluche animal mort. C'est comme une peluche de chat, mais dans la position. Quelle horreur. On l'aurait retrouvée si elle s'était fait écraser par une voiture. C'est dégueu. C'est horrible. Je l'ai dit, c'est des cadeaux de pourri. 4e, les chaussons sangliers. Les chaussons sangliers, attention, c'est interdit pour les chasseurs parce qu'une fois bourré, ils risquent de se tirer une balle dans le pied. Le 3e, le pèse-personne, ne ferait pas ça à votre femme. Enfin, les amis, c'est très moche. 2e, les lumières LED pour les toilettes. Comme ça, c'est ou tout jaune, ou tout bleu, ou tout rouge. C'est mignon, tout jaune ou tout rouge. Oui, c'est vrai, c'est joli. Ils n'ont pas mis la lampe bleue comme les experts, parce que si vous avez des ados, ça peut faire des surprises. Et enfin, première position, le parfum fleur d'anus. Je vous jure que c'est vrai. Ça n'est pas une blague. Je vous lis le descriptif. Il est à vendre, ce parfum. Fleur d'anus pour elle est une eau florale boisée. Composé d'une note boisée, d'une touche de citron bergamote infusée d'un cœur léger, de poire pêche blanche et adoucie de vanille. Elle est élaborée artisanalement en France. Voilà, ça s'appelle fleur d'anus, mais vous l'aurez compris, ça sent très bon. C'est génial, non ? Oui. Fleur d'anus, sympa pour Noël. Ah bah oui ! Oh, vivement le soir du 31 pour avoir fragrance de vomi. C'est Koé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Y'a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin. Si seules quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Donne-moi ta main. j'étais perdu. Tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue. Tu sais, on peut faire des chaînes, et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main. Énergie. Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde. J'espère que ça va ce matin, on est vendredi, on est en route pour le week-end. Ouais, ouais, ouais, ce soir c'est bon, on y sera. En attendant, on se fait Calvin Harris avec Sam Smith, Panic at the Disco sur Énergie qui arrive aussi. Et le meilleur de Mickaël, 23h tous les soirs sur Énergie en direct. Et ça, c'était début de semaine, écoutez. Et puis Kevin également qui est avec nous. Bonsoir Kevin, on parle de quoi dans un instant avec toi? Bonsoir les animateurs préférés. Bonsoir, il a droit, il a droit. Bon Kevin, on parle de quoi dans un instant avec toi? Accrochez-vous. En fait, je dois aller à Londres quand il fera meilleur et puis je sais pas comment on fait. Mais il fait jamais bon à Londres, Kevin. Hein. Enfin, c'est très rare. Même si t'arrives hein. Qu'il fait beau, une demi-heure après, il fait dégueulasse. C'est ça. Oui. Tu voulais savoir comment on fait quoi? Comment on fait quoi? Pour prendre par exemple un hôtel, changer la monnaie, sur tout internet. Ça, je sais pas comment on fait. Sur place. Ah, mais pourquoi tu vas pas dans un endroit où on prend l'euro? Ça évitera déjà quelques problèmes. Non, mais en fait, tu vas là-bas, t'as une carte bancaire. Il faut payer un livre. Oui, il faut. Non, ouais, c'est ça. Bah, tu vas à la FNAC juste avant. Ah, la vie. Je vais dire, prends une grande bibliothèque avec toi. Non, mais t'as pas de carte bancaire? Si. Eh ben voilà. Alors, tu vas là-bas, tu mets dans un distributeur et puis tu demandes. Tu la mets dans la machine. Bon, attends, tu demandes gentiment. C'est en fait, je voulais savoir comment c'était Londres. Est-ce que c'est grand? Parce non, c'est une petite ville. Hein, vraiment, c'est un tout petit c'est truc. C'est un petit village. Non, mais on rigole. Mais non, oui, mais bien sûr que c'est grand, Kevin. Mais t'as jamais vu des vidéos? Tu vois, parce que tu vas là-bas, mais tu sais pas du tout à quoi ça ressemble. Non, j'ai jamais vu de vidéos. J'ai jamais voyagé. Mais même pas sur Internet. Tu t'es dit tiens, je vais regarder à quoi ça ressemble, parce que ça se trouve c'est de la merde. Enfin, tu vois, je veux dire. C'est juste le stade parce que je dois aller me rendre à un match de foot. Donc t'as jamais voyagé et tout d'un coup là tu te dis boum, eh ben je vais aller voir un match de foot. Voilà, je suis angoissé parce que il y a aussi des hooligans et tout ça, donc j'ai un peu peur. Oui, enfin bon, il n'y a pas de liaison. Les hooligans. Tu vas voir les matchs de foot où d'habitude? En France, mais j'ai jamais voyagé. Quel stade? Toulouse. Enfin, les hooligans, il y en a partout. Hein. Non, mais ouais, et puis en général, les stades anglais, c'est plutôt calme. Hein. C'est les enfants, ils vont avec leurs enfants et tout. Hein. Ouais, c'est ça. C'est depuis qu'ils ont mis ça la journée, c'est devenu moins compliqué. Et toi, Michael, t'es déjà allé à Londres? Comment dis-tu? Est-ce que t'es déjà allé à Londres, toi, Michael? Ouais, j'ai déjà été. Oui, j'ai déjà été deux, trois fois, je pense. T'as trouvé sympa? Il y a je des déteste. Tu fais l'interview, là? Michael, il est pas représentatif de comment qu'il fait une ville en même temps. Hein. Non, mais pardon, en plus, Michael, il aime pas les mecs qui roulent à gauche. Enfin, bah, non, mais je suis pas fan de Londres. Je suis pas fan de Londres, il y a rien à faire. En fait, globalement, les j'ai. Non. Non, c'est des quartiers pauvres. Bah comme partout, il y a toujours non, des. Non, c'est pas pauvre, Londres, pardon. C'est... Non, il y a des quartiers pauvres. Il y a toujours des quartiers. Bah après, oui, dans la ville même. En fait, le truc c'est que t'as toujours, mais comme dans toutes les villes, t'as des quartiers qui sont moches, qui sont bof, qui sont dégueulasses. Oui. Et puis il y a des quartiers qui sont classe, qui sont beaux. Tu veux acheter une maison? Mais non, oui, c'est ça. Non mais non, voilà, tu oublie tout de suite, hein, parce que c'est ça coûte une fortune là-bas. Ah oui, oui, là c'est la misère. Mais voilà, après, c'est bizarre que t'ailles dans une ville. Sans avoir été voir ne plus qu'une photo, que des images, tu vois, voir un peu ce qui se passe là-bas. Pourquoi aller voir Tottenham en fait trop YouTube. Oui, non, mais d'accord. Mais pourquoi tu vas voir Tottenham au fait, effectivement, oui, pourquoi pas? Parce que c'est mon équipe préférée. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Je suis depuis 2009, cette équipe. D'accord, ok. Non, mais pourquoi pas, c'est très bien. Tu pars tout seul. Et puis voilà, mon joueur préféré, c'est Harry Kane. D'accord, ok, oui, bah l'anglais. Hein. Et ok. Et donc, du coup tu pars tout seul? Avec mon frère. À toi, il te répond. Ah oui, mais c'est normal. Très bien, parfait. Et donc, et ton frère, il a déjà voyagé? Il voyage souvent? Oui, il a déjà voyagé à Cuba, partout. Eh ben voilà, bah alors ça va, très ça bien. Va, moi, tu vois. C'est du pipi de chat à côté. Mais non, mais je suis un petit peu angoissé parce que j'ai jamais voyagé dans une grande ville, c'est pour ça. Mais oui, mais c'est pas grave, si ton frère est là, au moins tu vas pouvoir, il va pouvoir t'expliquer un peu comment ça fonctionne, etc. T'as peur, ouais, voilà, t'as peur de quoi en fait? Donc, mais t'as peur de quoi? T'as peur de quoi? T'as peur de te perdre? T'as peur de quoi? De me perdre ou de rencontrer des gens bizarres? Bah après, t'inquiète pas, la bonne nouvelle c'est que Polo est interdit stade, donc tu le croiseras pas là-bas. Ah bon, il est interdit stade? Non, c'est une vanne. Je suis un ancien du COP de Boulogne. Voilà. Non. Mais il faut pas avoir peur. Franchement, tu vas là, tu vas visiter, ça va être cool. Au pire, t'aimes pas la ville et puis après, t'y répondras pas, c'est pas grave. Tu vas prendre le Magic Bus là. Super sympa. Voilà. Tu vas kiffer Londres. Fish and chips. Bah écoute, franchement, il y a pas de raison. Moi je suis pas fan en fait, parce que le temps est bof. Mais après, non, c'est sympa un week-end, mais au-delà, moi je suis pas fan. Si tu m'avais dit, si tu nous avais dit Bruxelles, je comprends que tu sois angoissé, il y a la peur, les animaux et tout ça, c'est un peu dangereux et tout. Mais là, Londres, tu risques rien. L'odeur. D'accord. Voilà, merci donc, pour vos conseils. Avec grand plaisir, Kevin. Kiffe bien Londres. Voilà, merci beaucoup. Et rappelle-nous pour nous dire comment ça s'est passé là-bas. Ça marche, je vous donnerai des photos. Voilà. Ça marche. Salut Kevin, allez, à bientôt. Au revoir, Michael. Ciao à toi, bye bye. Michael. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Michael officiel. Are you drunk or not? Now I judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Golden rings, but I'll give you everything tonight. everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything. Le 14 décembre. Salut tout le monde, bienvenue à ceux qui sont en train d'ouvrir les yeux, ceux qui sont déjà au boulot aussi, là, comme pas mal d'entre vous. On va écouter Yana Kamura dans la Playlist Energy, Pink qui arrive aussi, puis le meilleur du Rico Show. On y retourne. C'est à 20h tous les soirs en direct sur Energy. Et là, c'est les news de Rico sur Energy. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Anastasia a fait le 0870 42 48. Vous faites comme elle pour venir participer. Et Anastasia, je t'avais promis une étude. La première vous a pas plu, je sais. Non. Je sais, vous étiez pas trop chaude les filles. Bon, ouais. Alors j'ai autre chose, mais ça vient des mêmes scientifiques, c'est ça le problème. Ouais, mais non, alors non, ça va pas le faire. Bon, mais c'est sur autre chose. Alors, il y a une étude qui montre qu'en 2030, d'après les scientifiques, nous n'aurons plus le même comportement. On a des comportements aujourd'hui, mais ça va s'arrêter complètement. Ah ouais. On le fait assez souvent, on aime ça, mais ça va s'arrêter. À votre avis, quoi? Conduire des voitures essence. Ah, non. Non, non, a priori, en 2030, ils pensent encore qu'il y aura ces voitures. Avec ça. Les applications, la drague de rue. La drague de rue. Bah oui, y aura c'est vrai plus. Que la drague de rue, déjà là, elle est en train de mourir. Ah, Anastasia, ouais. Tu te fais draguer un peu dans la rue ou plus du tout? Non, non, et puis ceux qui me draguent dans la rue, franchement, je les envoie juste chier, quoi. Ouais, c'est fini cette histoire de drague de rue. Hein. C'est dur d'aller aborder quelqu'un. C'est les beaufs, quoi, dans la rue. Oh, bah écoutez, je crois qu'avec la réaction de Sylvain, on a effectivement compris. Bah non, je suis vintage, moi. Vintage. Ouais, bah comme t'es ça, papa. Et puis le savon aussi, hein, parce que tu sens fort. Bah, t'es sérieux, quoi, toi? Non, mais c'est vrai, la drague de rue, c'est terminé, mais c'est pas ça. Sylvain, à ton avis, qu'est-ce qui s'arrête? La bonne bouffe. La bonne bouffe. Ouais. C'est vrai que maintenant on va bouffer de plus en plus des cachetons. McDo, les trucs comme ça là, ouais. C'est dégueulasse tout ça là. La bonne. Eh oui mon petit. C'est de plus en plus cher la bonne bouffe. Hein. Ah ouais, c'est de plus en plus cher. Je connais plus ça moi. Ah ouais, bah si tu voles. On sait que la dernière fois t'as péta des boîtes de thon chez Franprix. Ouais. C'est vrai, la honte. Hein. D'ailleurs elle est partie voir le monsieur, il a fait un chèque. Hein. Ah voilà, il s'est excusé. C'est bon. Réglé, thon pour thon, œil pour œil. C'était les chèques à toi, non? Oui, c'est un chèque qu'il avait volé à Sarah. Anastasia, je te le dis ma chérie, une étude montre qu'en 2030, d'après les scientifiques, nous ne ferons plus l'amour. Alors, non, je vous explique pourquoi. Mais non. Ah si. Alors en fait, et je trouve assez pertinent le délire. En fait, le nombre moyen de rapports sexuels était de 5 en 1990 par mois. Okay. D'accord. Contre 4 dans les années 2000 et enfin 3 par mois dans les années 2010. Donc, en fait, plus on développe des technologies, moins on s'intéresse à sa femme, moins on s'intéresse à son mec, et du coup on fait pas les rapports et on loupe le moment où les deux ont un petit peu envie de faire l'amour. C'est-à-dire vous rentrez chez vous. C'est tellement triste. Ouais. Avant t'avais la télé, tu coupais la télé, c'était terminé. Là maintenant vous avez et le téléphone et la tablette et tout et l'enceinte et les machins, et du coup après c'est plus l'heure. L'envie de faire l'amour, c'est comme le pouvoir d'achat, avec le temps ça baisse. Et on aura bien besoin d'un petit coup de pouce de Macron. Non mais c'est vrai Sylvain. Et en plus on a une avant-gardiste, hein, Sarah. Ouais, je peux dire qu'elle a commencé depuis longtemps. Sarah elle en avance sur son temps. Mais non, mais moi je travaille beaucoup. C'est vrai que le soir je suis dans mon lit avec mes applications, avec mon téléphone, Instagram, etc. Tu check les mails et tout. Alors qu'avant tu rentrais du bureau, tu laissais tout, tes mails, tes machins, t'arrivais, t'éteignais la télé, c'était réglé. Ouais. Alors que là pas du tout. C'est vrai que je passe plus de soirée avec mon mec. Ou tu loupes le coche quand c'est l'heure, c'est plus l'heure. Anastasia, est-ce que tu le sens ça? Ah, faut pas. Non, j'avoue que non, je le sens pas. Je dois pas faire partie de la moyenne. Ah, parce écoute. Que malgré le fait qu'il y a les smartphones et tout, je suis quand même bien avec mon copain. Voilà, on profite. Oui, c'est Anastasia, les amis chauds. Anastasia n'a pas de smartphone. Hein. Allez, plein de bisous, Anastasia. On va te faire un petit cadeau. Merci d'être passé, ma chère. Plein de bisous à vous aussi. Et je vous écoute tout le temps. Et continuez comme ça, vous êtes génial. Franchement, c'est un kiff. On s'est régalé avec toi. Plein de bisous. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs, du lundi au vendredi. De 20h à 23h sur Énergie. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à ma telle la fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin. fraîche moyenne. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux la plus bonne moyenne, la plus bonne. Tu veux la plus fraîche moyenne. Dans la playlist Énergie. Are you ready? I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. Gonna make sur Énergie. Bonjour tout le monde. Salut, salut. On est vendredi. J'espère que tout va bien, que vous avez passé une bonne nuit. Voilà, que vous avez bien dormi. On va écouter David Guetta avec Bibi Rexha juste après le meilleur de Koé. Koé de retour à 17h cet après-midi sur Énergie. Et maintenant, on best-of pour vous écouter. 17h, 20h. C'est Koé sur Énergie. Le questionnaire Miss France. Eh oh, oui, sympa. C'est le pire. Les Miss France ont droit à des questions. On n'y arrive pas comme ça. Alors vas-y, Lucas, tu mets le micro où tu veux. Bah, on y va, pas où tu public, veux. Non, pas où tu veux, devant la bouche. Oui. Non, moi j'ai ça, moi. On regarde jusqu'au bout. Ah, tu le veux qu'on le fasse en mode qui veut gagner des millions? Ouais, des bonbons. Oh, d'accord, on le fait à qui veut gagner des bonbons. Allez. Ok, d'accord. On a des bonbons? Faut que tu fasses Jean-Pierre. Un pal tacos, des bonbons. Bonjour à tous, c'est bienvenue. Moi, je suis fan. Arrête. Bienvenue à qui veut gagner des bonbons? Qui va jouer avec nous, ton prénom? Guilien. Salut, Guilien. Guilien, voici la question. Quelle est la bonne orthographe de Méditerranée? M-E-D-I-T-E-2-R A et un N ou S? 2-T, un R, un N ou S? Médi, comme le prénom est plus lointainé, ou est-ce Méditerranée avec deux T, deux R, deux N? J'irai le deuxième. Eppel? Je sais plus. Un M... D, deux T, un R et un N. Oui, voilà. C'est ton dernier mot? On dit oui. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Eh bien, c'est la mauvaise réponse. Oh, oh, c'est Méditerranée, c'est un T, deux R, un N. Eh oui. Ah, que c'est question con. Deuxième personne. Voici la question pour gagner des bonbons. Allez, à qui tu veux? Prénom? Audouin. Audouin, on y va. Qu'est-ce que c'est que cette collection de prénoms? À quel animal l'adjectif hippique se rapporte-t-il? A, au chien. B, au canard. On n'aide pas. C, au cheval. D, au hibou. On n'aide pas. On n'aide pas. On n'aide pas. Au cheval. Elle va tomber, celle-là. Putain. Jean-Pierre, merci. C'est au cheval, bien joué Audouin. C'est la bonne réponse, gagne un bonbon. T'inquiète, prends ça, il y va. Merci. Question pour la fille du premier rang. Tout à l'heure, souffle à tout le monde. On va voir comment tu te la racontes tout seul. À côté. Et personne ne l'aide. Parmi les termes suivants, lequel n'est pas synonyme de fringale? A, appétit. B, faim. C, crédulité. D, avidité. Crédulité? C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est la bonne réponse! Bon, non, c'est pas qu'un moment! Le gars derrière, et on terminera là-dessus. Attention, qui était. Il est où? Le prénom? Mais il est où? Geoffrey. Geoffrey, qui, et on ne souffle pas, quel était. Qui était surnommé le roi soleil? J'ai entendu, je sais ça. A, Clovis. B, Charlemagne. C, Christophe Mahé. D, Louis XIV. Charlemagne. Charlemagne. Oh là là. Le public est outré. On termine sur un champion. C'était C'est mon dernier mot, Jean-Pierre Foucault. Oui, mais arrête d'insulter. Continue. J'insiste pas. Ce n'est pas la bonne réponse. Ça n'est pas la bonne réponse. C'est pas Charlemagne. Louis XIV. Louis XIV. C'est Coé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. You've been dressing up the truth, I've been dressing up for you. Then you leave me in this room, pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one, if it's true then why you running? Solo donde te dejas llevar de lo prohibido, eres adicto.

Vous êtes sur Energy, bonjour tout le monde, bon réveil, un petit peu plus de 5h, j'espère que tout va bien, on est vendredi, on est le 14 décembre, il y a peut-être la playlist Supreme Energy qui va passer chez Manu dans 6-9 sur Energy en direct, il va tout vous expliquer tout à l'heure, c'est promis, voilà, tenez-vous prêts, en attendant c'est George Ezra, Rita et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Energy. Manu dans 6-9. Oui, c'est Manu. Merci. Quel est le choix que vous allez devoir faire aujourd'hui? Quel est le dilemme auquel vous êtes confronté? 0 870 42 48, on a Maxime qui est là. Bonjour Maxime. Salut Manu, salut les Romains. Salut. Coucou. Bienvenue parmi nous Maxime. Quel est le choix que tu vas devoir faire? Alors mon choix, mon dilemme, c'est soit passer Noël avec ma belle famille au risque de m'ennuyer, soit avec la mienne au risque que ma copine me fasse la gueule. Ah. Ah mais attends, si tu vas faire... Est-ce que si tu vas faire Noël avec ta famille, ta copine vient avec toi? Non? Elle n'est pas trop chaude non pour venir. Bah alors, ouais. Si, alors moi, mon concept, il est simple. Si elle, elle ne fait pas quelque chose, pourquoi toi, tu seras obligé de le faire? Si elle, elle veut être dans sa famille et qu'elle ne veut pas être dans la tienne, pourquoi toi, tu es obligé d'aller dans la sienne? Tu peux aussi être dans la tienne. Et chacun est dans la sienne. Je m'étais un peu avancé la dernière fois, j'étais un peu saoul, j'avais dit que... Ah. Peut-être. Maxime, je vais te rappeler quelque chose. Sam, c'est celui qui ne prend pas de décision quand il a bu. Ah ouais, je crois pas. Tu le sais, Maxime. Oh. Je pense que là, du coup, Maxime, il a plus le choix. Il faut faire les deux, quoi. Il faut faire un Noël dans sa famille et un Noël dans la belle famille aussi. Hein. Oui, mais il n'y en a qu'un de Noël. Hein. Oui, mais moi, c'est ce que je fais. Je fais par exemple le 24 au soir chez mes parents parce que pour moi, c'est hyper important. Ouais. Et après, je fais le 25 dans la famille de ma femme. Ah ouais. Et ta femme, elle vient avec toi le 24, je travaille. Oh, ça devient compliqué là. Maxime, mais franchement, tu travailles et tu bois et tu prends les décisions de merde. Il faut pas fêter Noël. Non, Maxime, arrête hein. Tu travailles le soir de Noël? Eh oui, je suis pompier volontaire et je suis de garde du coup. Ah ouais. Ah ouais. Non mais sous ou pas sous, tu lui as dit quelque chose, il faut que tu t'y tiennes. Et l'année prochaine, vous irez dans ta famille. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des pompiers qui viennent nous aider sous. Ouais. C'est ça. Tu bois pas quand tu viens nous aider, Maxime? Non, j'essaie d'éviter quand même. D'accord. C'est un peu risqué. Ça nous arrange. Merci. Il est où le feu? Non, j'ai appelé pour un accident. Ah non. On va quand même mettre la lance de devant, c'est rigolo. Maxime, écoute, bah du coup, si t'as. Fais-le à pile ou face. Ouais, bah oui. Mais non, Manu. Quoi, mais non? Mais il s'est engagé à la raison, Paulette. Il faut y aller maintenant. Okay, et puis ça va être sympa. Faut, Maxime, voilà. On va arrêter là, sinon elles vont nous saouler. Les C'est vrai que là, tu t'es engagé, faut qu'il y aille, Maxime. Ouais. Et l'année prochaine, tu fais l'inverse? Ouais, on va faire ça, ouais. je sens que Maxime, il va demander à être tout le temps pompier le soir de Noël. C'est ça. Merci de nous avoir appelé, Maxime. Quel est le choix que vous avez à faire aujourd'hui, le dilemme du moment? Paulette, t'en as un? Oui, j'ai un second rendez-vous avec un mec avec qui j'avais eu un premier rendez-vous. Il y a 2 jours. Alors on se doute hein, si c'est un deuxième rendez-vous. Ouais. Effectivement, c'est oui, non, mais c'était pour resituer parce que je l'ai eu il y a 2 jours. Donc là, on a eu un premier rendez-vous. Mais c'est celui dont tu nous as parlé hier ou avant-hier là. Exactement. Ah, le ouais. Mec qui t'avait dit au premier rendez-vous si j'embrasse une autre fille, c'est pas trompé. Oui. Alors ouais. Sans la langue, hein, je tiens à préciser quand oui, même. Oui, un petit smack. Un petit smack. Embrasser longtemps comme ça, mais. Et t'as un deuxième rendez-vous avec lui? Bah oui, quand même. Je lui donne quoi, sa chance. C'est quoi ton choix? Eh ben, en fait, mon dilemme, c'est il m'invite soit à manger chez lui, soit on va au resto. Et franchement, ouais. Je sais pas. Ah bah ouais. Honnêtement, ça dépend de ce que t'as en tête. Hein. Ah bah ouais. Oui. De ce que j'ai en tête. Bah moi, si je pense que ça va matcher, je vais chez lui. Ouais, c'est ça. Si je pense que ça va pas matcher, vraiment j'en sais rien, je préfère le resto et on avise. Ah mais je coucherai jamais le au deuxième rendez-vous, hein. Ah bon? Ah bah oui. Que vous avez déjà couché au premier? Non, pas du tout. Alors tu vas au resto? Ouais. Ah bah oui. Ok, d'accord. Parce que lui, ça va lui. Honnêtement, une fille qui accepte de venir manger chez toi. Ouais. Bon, bah, ok, l'histoire est réglée. Je voyais pas les choses sous cet angle-là. Tu bah, vois. Heureusement qu'on est là pour ça. Hein. On te donne la vie, les mecs. Caroline, bonjour. Bonjour Manu, salut les wawas. Toi aussi, tu as un dilemme, on t'écoute. Ouais, alors moi, mon lave-vaisselle vient de me lâcher. Donc, soit j'en rachète un, soit je fais la vaisselle à la main, mais je peux m'acheter un ordinateur.

est solitaire et le tien est ailleurs. De peu on s'est manqué. L'impression de mentir quand je te souhaite le meilleur. Sans dire un mot, c'est tourner le dos. Comme deux inconnus quand on se croise en bendo. Tout est snapisé, je suis pas parano. Tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis, on s'oubliera. Le temps nous dira si on a bien fait. Et si je te mens parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté. Mais toi tu crois que je suis ailleurs. Que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs. Que t'es dans ses bras. On s'est manqué. Je sais que t'as envie de me rappeler. Je sais que t'as envie que je revienne. Qu'est-ce qu'on fait? On s'évite, on s'oublie. On se voit, on se confie, on se cache. Qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle pour de bon. On se dit au revoir. On s'est manqué. Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, salut tout le monde, on est vendredi. Énergie, oui. L'horoscope. Avec les béliers, une amie redore votre image. Quant au taureau, vous êtes de ceux qui facilitent les choses. Les gémeaux, aujourd'hui, vos rendez-vous marchent plutôt bien, vous êtes productifs. Les cancers, une question financière s'arrange. Les lions, vous profitez d'une journée tonique. Les vierges au travail, c'est le calme plat. Les balances, cette journée est parfaite pour une belle action. Les scorpions, la lune met l'accent sur votre travail. Les sagittaires, un voyage se profile. Le week-end s'annonce tonique. Les capricornes, un changement s'amorce. Les verseaux, la lune éclaire votre vie relationnelle. Et les poissons, un projet mobilise toute votre attention. Voilà pour l'horoscope. Il est dispo sur énergie.fr comme d'hab. La playlist énergie avec Bad Bunny et Jane. Et avant de le retrouver en direct dès 6h, ce sera le meilleur de Manu dans 6-9 sur énergie. Pendant le titre, on était en train de parler avec Miko. On disait, mais quoi, forcément, quand tu choisis un resto, des fois, tu peux choisir pour toi plutôt que pour l'autre quand tu prends un resto à deux. Toi, tu choisis en fonction de ce que t'aimes, mais toi. Mais bien sûr, ça me gâcherait la soirée qu'on m'emmène dans un resto pas bon. Moi, j'ai mes habitudes. Mais tu sais que ça a un nom, ça. Ça s'appelle la vieillesse. Hein. Mais vraiment. Hey, tu sais que toi, ça a un nom, ça s'appelle le chômage. D'accord. C'est un deuxième nom, ça va aller avec le premier. C'est Coé. C'est à 17h. C'est sur Énergie. Et en podcast sur énergie.fr. Vous allez gagner 10 000 euros de cadeaux par jour sur Énergie grâce à Cdiscount. C'est Manu dans le 6-9, soyez les bienvenus, on va bien démarrer la journée. Écoutez Manu dans le 6-9 de 6h à 9h30 sur Énergie. Vous voulez des dizaines de cadeaux pour Noël? Manu et Cdiscount vous les offrent. Oh là là là là. 10 000 euros de cadeaux par jour à gagner avec Manu et Cdiscount. Énergie. Take it one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind.

you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be city runs into my dreams. Darling, I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be vendredi 14 décembre sur Énergie, c'est Cédric. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va, que vous avez tous bien dormi, que ça se passe bien si vous êtes au boulot déjà ce matin. On va écouter Kenji dans la playlist Énergie, Marshmello avec Bastille. Météo dans moins de 10 minutes avec pas mal de nuages ce matin, enfin, je préfère vous prévenir. Et en attendant, avant de le retrouver en direct dès 6h, c'est le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9. Énergie. Les sondages du matin comme chaque jour. Cela arrive dans 13% des repas de Noël. C'est pas beaucoup, mais ça arrive. De quoi il s'agit d'après vous, Nico? On échange les cadeaux. Non, c'est pas ça. La dinde est trop cuite. Non plus. Des pleurs, les gens pleurent. Oui, mais c'est la conséquence des gens qui pleurent. La conséquence de ce qui se passe en repas. Il y a une dispute? C'est plus qu'une dispute, c'est une bagarre. Mais non. Ah ouais? Dans 13% des repas de Noël, il y a une bagarre. Oh, purée, c'est chaud dur, quand même. C'est beaucoup, hein. Bah ouais, l'esprit de Noël va ouvrir les cadeaux après. Mais à mon avis, ça va monter plus cette année. Hein. Ah ouais? Ah bah, il y en a un qui va démarrer sur les gilets jaunes. Ah oui. Ce qui est génial avec les gilets jaunes, c'est que c'est au départ comme un élan de solidarité incroyable. Ouais. Et sauf que ça devient, je pense, aujourd'hui en France, le sujet mais qui fait que les gens s'engueulent le plus au monde. Ouais. C'est ça qui est fou. Bah, tu sais que s'il y en a un qui est contre le mouvement au repas de Noël, il va recevoir un gilet jaune en cadeau. Ça c'est obligé. Ouais. Tiens, tu l'as mérité, Patrick. Et là, c'est parti. Une femme sur deux trouve ça totalement normal de poser cette question à l'autre à un premier rendez-vous. Je trouve ça beaucoup, une femme sur deux qui ose faire ça à un premier rendez-vous. D'après vous, quelle est cette question, Isabelle? Est-ce que tu ronfles? Non, c'est pas ça. Son nombre d'ex? C'est pas ça non plus. C'est sur le couple? Non, c'est pas sur le couple. Et c'est pas, même si je vous posais la question là maintenant, je pense que personne répondrait vraiment. D'ailleurs, en général, quand tu poses la question, personne, ça met tout le monde mal à l'aise. C'est la taille de quelque chose? C'est pas la taille. Si on est poilu? Non. Non? Non, non, bah ça poilu, oh, j'ose pas le dire. Poilu? Non, ouais. Non, c'est pas ça. Si on est déjà allé sur un site pornographique? Non, ça tout le monde. Et c'est moi qui l'ai dit? Une femme sur deux trouve ça totalement normal de poser cette question à l'autre lors d'un premier rendez-vous, le montant de son salaire. Oula. Combien tu gagnes? Ah, c'est délicat. Ouais. Ah. Un premier rendez-vous? C'est un peu déplacé, ouais, quand même. Ah, bah un petit peu quand même. Ouais. Ça fait un peu la fille intéressée en plus de demander ça, je trouve. Ah, oui, c'est peut-être pour savoir s'il va payer l'addition ou pas. Oh, ça craint. Non, pour savoir le niveau de salaire de l'autre. Ouais. Mais ouais. Une femme sur deux trouve ça totalement normal. Je sais pas, Paulette, toi. Ah non, moi j'oserais jamais demander ça. Et si le mec te le demande? Bah, je lui dis que je demande des avances tous les 18 mois, je pense qu'il va fuir. Ouais, effectivement. Un adulte sur deux, on a une dans sa chambre. D'après vous, qu'est-ce qu'il a, un adulte sur deux, dans sa chambre? C'est une photo de ses parents sur la table de nuit? Non, c'est pas ça. Ça se mange? Alors non. D'accord. Une boîte secrète.

Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, salut tout le monde, bon réveil, on est vendredi, j'espère tout va bien, que ce soit au boulot ce matin pour pas mal d'entre vous, encore sous la couette ou en train de prendre le petit café, en train de démarrer la journée. On va écouter Kungs sur Énergie, derrière retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie, avec peut-être ce matin la playlist Suprême Énergie. Si c'est le cas, vous appelez Énergie 3937, hein, vous gagnez 50 000 euros. Manu dans 6-9 sur Énergie va tout vous expliquer, en attendant aussi ce qui s'est passé hier matin sur Énergie. Manu dans 6-9. Joyeux Noël avec Énergie. Nous entrons dans le petit train des questions. Ouais. Première question du petit train des questions. Quelle chose de vieux faites-vous? Allez, on y va. Paulette? J'adore donner à manger aux pigeons dans le parc en bas de chez moi. Oh là là. Ah, mais ça, c'est pas une chose de vieux, c'est une chose de mort, ça. Oh non! Ils sont rejetés, les pigeons, ça me fait énormément de peine. Bien, tous ces gens qui les détestent. Je crois que c'est interdit de faire ça. Ouais. Ah de, bon? Je sais pas. Ouais. Bah, je jette pas mon parasite à la poubelle, je leur donne, ils adorent. Et tu les laisses, sec, et tu laisses les pigeons venir sur toi comme ça? Non, ils viennent pas sur moi. J'ai pas une statue de taille non plus. Mais il y a des, des personnes un peu âgées, hein, qui bien font sûr. Ça, qui bah, leurs amis c'est les pigeons, ils mettent du pain sur eux, les pigeons viennent manger sur eux. J'adorerais, mais je vais tester. Non. Ben quoi? Mais non, mais vous les rejetez, mais ils sont pas contre nous, c'est juste qu'ils se reproduisent vite. Je ne rejette pas les pigeons, mais je vais pas jusqu'à les nourrir dans un parc. Mais si j'en avais un comme ça qui venait me manger dans la main et qui se posait sur ma main, je trouvais ça magnifique. Mais, et des amis plutôt, non? Ah, ouais. Alexis, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur Énergie. Quelle est la chose de vieux que tu fais? Ben écoute, moi, tous les week-ends, je me fais des petits épisodes d'une session Hercule Poirot. Wow. La série Hercule Poirot qui passe sur France 3 là? Oui, exactement, oui. Et encore, France 3, je sais même pas si c'est trop jeune pour cette série, France 3. Mais tu sais quoi, c'est le genre de série quand ça passe à la télé, c'est plus au bon format. C'est vrai. C'est l'ancien format de télévision où t'as des gros traits noirs sur les côtés. Ouais. Et je vais dire un truc, Alexis, quand je tombe là-dessus, ça m'angoisse. Ah ouais? Hercule Poirot. Et il y en a une autre aussi, je dois avoir le générique quelque part. J'ai le temps que je le trouve. Ah non, mais attends, bougez. Oh là, ah ça, je l'ai. Quand je vois ça à la télé ou quand j'entends ça, ça m'angoisse. Écoutez. Voilà. Tu connais Alexis? Pas encore heureux. C'est quoi? Bah, ma foi, devine. Arabesque. Mais oui. Ah oui, Arabesque. La vieille dame là. Oh là là. Qui résout les énigmes. Et c'est comme Hercule Poirot, c'est d'un autre temps. Et ça m'angoisse quand je vois ça. Ah, tu sais, quand tu tombes devant l'après-midi, c'est que t'es pas à ta place quoi. C'est que tu ferais mieux d'aller boire un verre avec un pote. Exactement. Tu devrais pas ça être là. Ça dépend, ça peut être aussi une petite après-midi cocooning avec un plaid et tu regardes une série et ça te rassure. Non, mais tu aurais une série sur Netflix, putain. C'est pas pour après, si vous aimez, après, si vous aimez les trucs récents, ils ont refait un nouveau film d'Hercule Poirot. Hein. Non, mais on veut pas, Alexis. Alexis, tu n'as pas compris, on ne veut pas. Merci de nous avoir appelés. Deuxième question du petit train des questions. Quelle est la pire phrase à entendre avant d'être anesthésié pour une opération du cœur? Isabelle. C'est ma première. Ah ouais. Ah oui. Non, il y a pire. C'est ma deuxième et la première était pas ouf. Oh non. C'est ça. Magali, bonjour. Salut Wawa, salut Manu. Quelle est la pire phrase à entendre avant d'être anesthésié pour une opération du cœur? Bon, pour moi, ça a été « J'espère qu'elle va se réveiller ». Oh. Oh. Sous-entendu, celle d'avant, pas trop. Oh. Ben voilà, c'est bien ça. Quelqu'un a une autre proposition? Ouais. Glandu? Oula, j'aurais pas dû boire autant hier soir, moi. C'est bien ça. Ouais. Je sais pas, c'est bien. Mais... Merci de nous avoir appelé, Magali. Belle journée. Troisième question du petit train des questions. Quelle a été la dernière fois où vous avez dit à quelqu'un: ah, je te l'avais dit? Isabelle? Je l'ai dit à mon mec. En fait, il téléphonait pas, mais il avait gardé ses oreillettes en conduisant. Et quand la police l'a arrêté, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire. Tu vois, je te l'avais dit.

Bonjour. Salut. Ça fait bizarre, hein, c'est pas la grosse voix de Manu qu'on entend. Il est 5h58. Ouais. Et alors tous les matins, il nous dit, enfin tous les vendredis matins, il nous dit c'est le week-end. Ça y est, c'est le week-end. Ouais. On dirait qu'il a pris ça au pied de la lettre et qu'il est vraiment déjà en week-end puisqu'il n'est pas là. Monsieur fait une grasse mat. Monsieur est injoignable. Bon, du coup, c'est Manu en 6-9, mais sans Manu. Ouais. C'est ça, mais il me manque déjà trop. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Finalement. Parce que c'est pas ce qu'on essaie de faire depuis quelques années. Manu, si tu nous entends, reste chez toi. J'espère. On gère. J'espère qu'il n'a pas allumé la radio déjà, qu'il n'entend pas. Donc là, on est en train de l'appeler. Je crois que ça fait la 200e fois qu'on l'appelle depuis 5 minutes. Et la bonne nouvelle, c'est que ça sonne quand même. Voilà, ouais, ça sonne. Donc voilà. Ouais, la moins bonne, c'est qu'il ne répond pas. Du coup, voilà. Il a un sommeil quand même ultra, ultra profond. C'est bien. Ça veut dire qu'il dort bien. Mais je comprends pas pourquoi il ne met pas 3 ou 4 réveils quand même. C'est la base, non? Je pense qu'il aimait. Ouais. Et là, petite faille, on peut pas être parfait. Hein. Ouais, il a fait finalement la fête. Après, ça révèle le problème de Manu avec l'alcool qui sort beaucoup. Il va beaucoup en soirée. Jusqu'à 4h du matin. On peut en parler parce qu'il n'est pas là, effectivement. Ah, c'est ça. Lui, il en parle très non, peu. Non, il se couche à 22h tous les soirs. On ne comprend pas. Comme c'est il compliqué. Va réécouter, peut-être on lui dit qu'il nous manque déjà énormément, là. Ah oui, il nous manque très, très fort. Moi, je t'adore, Manu. Très fort. Les faillots. Bon, bah, donc on l'attend, on va le rappeler. Ouais, puis, on va le rappeler. Bah, je pense qu'il va arriver quand même. Ouais. Il va se prendre un petit café, puis voilà. Juste après les infos, du coup, on va s'écouter The Prince Karma. On va essayer de le rappeler environ 200 fois comme on vient de le faire. Et effectivement, je pense que là, on peut lancer les infos. Hein. Voilà, et puis sinon, j'irai le chercher chez lui, c'est pas grave, je le tirerai par les pieds. C'est bien ça.